une superbe robe noire, remplie d'un corps sublime, de seins et puis de fesses, des yeux bleus qui me regardent. Tu m'as montré tes dents blanches et tu m'as proposé d'aller danser avec toi, et moi je t'ai touché partout. Je ne savais pas danser, tu te moquais un peu, et quand tu courais ailleurs, tu me tenais fort par la main. Je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Je suis à. Je suis. Je. Je.